très bel après-midi à l'écoute de la première. Notre programme continue tout de suite, Histoire vivante. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Aujourd'hui, croire, faire croire. Troisième épisode. Les visions du monde. Avec nos deux historiens, Carmen Bernand et Bernard Lavallée. Le 15 août 1550 s'ouvre dans la somptueuse chapelle du collège Saint-Grégoire de Valladolid, au nord-ouest de l'Espagne, une controverse appelée à faire date. Elle a été voulue par l'empereur Charles Quint, également roi d'Espagne. Un demi-siècle après la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, le vieux souverain a décidé, par un acte de piété sans précédent, de suspendre les entreprises de conquête en Amérique au résultat de cette rencontre entre d'éminents religieux. À Valladolid, qui est encore l'une des deux capitales de l'Espagne avec Tolède, ils vont débattre sur le point de savoir s'il est légitime de convertir les Indiens d'Amérique par la contrainte et de les soumettre au travail forcé. Le débat est présidé par l'envoyé du pape, Salvatore Ronchieri. Carmen Bernand, historienne, au micro de Jean Leclerc. Carmen Bernand, y a-t-il... Une controverse ou bien y a-t-il quantité de controverses à l'époque et quantité de, disons, de répliques? Oui, parce qu'il y a toute l'école de Salamanque, il y a des répliques, il y a des textes qui sont discutés ensemble. Bon, par exemple, j'ai cité l'histoire du commerce, ça fait partie d'une série de controverses. Non, c'est pas simplement celle-là, mais celle-là, elle est restée emblématique parce que... Je crois que les arguments de l'un et de l'autre ont été très puissants, qu'il y a eu une passion de la part de Las Casas à défendre ces arguments, que beaucoup de gens étaient convaincus parce que il y a eu des lois quand même pour que la situation s'améliore. Mais on est dans un ancien régime et une société d'ancien régime distingue les gens du bas et les gens du haut. On peut pas leur demander d'être, je ne sais pas, une société égalitaire. Ce serait totalement anachronique. Mais il y a eu plus de lois qu'avec le système colonial moderne, à mon sens. Extrait de La controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière. Mais comment les Indiens pourraient-ils croire que nous agissons au nom de Dieu? Partout, ils nous appellent Yares, ce qui signifie démon. Pour eux, c'est nous qui venons de l'enfer et qui avons le diable pour maître. Vous le croyez, frère Bartholomé, vous croyez très sincèrement que les Espagnols sont des démons? Les Indiens le croient. Mais vous-même? Éminent, sur ces terres lointaines, quelque chose de démoniaque s'est emparé des conquérants. Ils sont devenus des démons, oui, je le crois. Des démons? Lorsque les morts nous envahissaient, ne disions-nous pas qu'ils étaient des démons, des agents du diable? Nous le disions à juste titre. Et pourtant, les guerres que nous menons là-bas sont pires que celles que les Turcs et les morts ont menées contre nous. Si bien que la foi que j'apporte apparaît comme travestie. Quel rapport a l'évangile avec les bombardes? Comment puis-je prêcher? Comment puis-je leur parler de douceur et de charité? Comment apporter la consolation de la vie éternelle à ceux que nous privons de la vie présente? Au lieu de les convaincre, à cause du sang qui nous accompagne, nous contrecarrons le dessein de Dieu. Puisque vous dites que les indigènes sont nos semblables, ils sont donc aussi des démons? Éminence, pardonnez-moi, je ne peux pas recevoir cet argument. Il est mal articulé. Eh bien, redressez-le. De part et d'autre, ils sont des hommes. Mais les nôtres sont devenus des démons. Dès qu'ils ont vu de l'or, dès qu'on leur a donné des esclaves, la soif de l'or et de la conquête les a transformés en démons. Continuez, professeur Sepulveda. Tous les peuples de la terre sont donc destinés à être chrétiens, à être touchés par la parole du Christ. Or, voici que nous découvrons une population inconnue qui n'a jamais entendu parler de notre Seigneur, de la rédemption, de la croix. Ah, mais si, on a trouvé des traces, des croix, Non, rien de sérieux. Vous vous êtes vainement efforcé de prouver que ce continent avait été visité par un des apôtres. C'est faux, et vous le savez. Jamais la parole du Christ n'a été portée sur ces terres. Ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de créatures reconnues par Dieu. Et je vais le prouver. D'abord, comme on l'a dit, par l'extrême facilité de l'action. 300 Espagnols soumettent un empire fort de 20 millions d'habitants, et on n'y verrait pas la main de Dieu. Aucun exploit, dans aucun temps, n'a pu se comparer à cette conquête. Même la maladie était de notre côté. L'épidémie de petite vérole fut le travail de Dieu pour éclaircir la route. Les idolâtres mouraient comme des punaises, car Dieu désirait les éliminer. Aujourd'hui, forcés de démolir leur temple à Mexico, ils tombent chaque jour nombreux, broyés par les pierres. Comment ne pas y voir une punition divine? De même pour les mines. Je sais bien que cela peut parfois ressembler à de la cruauté humaine. Mais comment expliquer que les indigènes obéissent si aisément aux Espagnols? Ne sont-ils pas pliés par la main de Dieu? Et comme déjà jetés dans l'enfer? On a dit aussi que dans les mines, ils meurent, victimes de leur libertinage, de leur pratique sodomite. Qu'est-ce que j'entends? Leur libertinage dans les mines? Non mais je dors ou je suis éveillé? Frère Bartholomé, ces fables affreuses, on me les a servies mille fois. Qu'ils avaient construit des mosquées en l'honneur de Satan, qu'ils y adoraient des phallus dressés, qu'ils se couchaient les jambes en l'air et se faisaient introduire du vin dans le cul par une canule, alors que la pédérastie chez les Aztèques était gravement punie, punie de mort même. Du libertinage dans les mines. Mais ces mythes sont des trous dans la terre chaude. Vous descendez vivant, vous remontez cadavre. Du libertinage, éminence. Est-ce que je dois rire ou pleurer? Qu'on me le dise. Taisez-vous, en tout cas, taisez-vous. Il y a en effet un grand nombre de points de vue qui vont s'opposer à Bartolomé de las Casas, et notamment, vous l'indiquez, Bernard Lavallée, les milieux d'affaires. Les milieux d'affaires d'un côté, et puis certains religieux. Le nouveau et principal adversaire, c'est un certain Sepúlveda, auteur lui-même d'un ouvrage à succès. Est-ce qu'on peut peut-être, dans un premier temps, dire de Sepúlveda qu'il est une sorte de figure qui va perdurer à l'avenir, à savoir une sorte de faucon? Évidemment, parler de faucon, c'est un terme qui est en rapport avec, disons, l'histoire du XXe siècle. Et je crois que, si vous me permettez, pour bien comprendre Juan Ginés et Sepúlveda, il faut comprendre que je n'emploierai pas le terme de faucon, mais je dirais que c'est un combattant. Ce qui est un peu la même chose. Un théoricien de la violence légitime? Alors, c'est quelqu'un qui va effectivement théoriser sur les relations que les Espagnols peuvent, voire doivent avoir avec les Indiens. Ceci dit, il faut, je crois, dire deux choses. La première, c'est que, étant donné le caractère évidemment erroné des thèses défendues par Juan Ginés de Sepúlveda, on l'a caricaturé. Et lui-même d'ailleurs s'en plaignait. Je veux dire par là que ce n'est pas parce que quelqu'un malheureusement défend des idées fausses, voire délétères, que c'est forcément quelqu'un sans intelligence, sans culture, etc. Or, Juan Ginés de Sepúlveda est un des plus grands esprits humanistes de son temps. Il est espagnol, andalou, il s'est formé en Italie, il y est resté longtemps, il y a traduit des ouvrages importants, il a traduit Aristote, c'était un des principaux traducteurs d'Aristote, c'était le meilleur helléniste de son temps en Espagne. Il a écrit de nombreux livres sur la politique européenne et sur la guerre à faire par Charles Quint contre les Turcs en Hongrie. C'est quelqu'un qui a plu par sa culture, par son savoir et par sa plume à Charles Quint, qu'il a nommé pratiquement chroniqueur de son règne. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très proche du pouvoir. Et là, on arrive sur le deuxième versant que vous signaliez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en fonction des idées d'Aristote, va estimé que les Indiens, victimes, entre guillemets, d'un climat moins favorable qu'en Europe, de conditions de nourriture, d'air, etc., sont sans doute des hommes, mais moins hommes que d'autres, et en particulier, on l'a compris, les Européens. Ce n'est pas pour rien qu'à deux reprises, dans un de ses travaux, il emploie en latin, pour définir l'Indien, le mot « homunculum », c'est-à-dire un petit homme. Je n'ai pas dit un sous-homme, mais ça y ressemble beaucoup. Et donc, contrairement à ce que l'on dit parfois, Juan Ginés de Sepúlveda n'est pas le porte-parole des puissances d'Amérique, des propriétaires de terres, des maîtres d'Indiens, des seigneurs d'Hacienda, etc. Il n'est pas créé par eux. Mais bien évidemment, ces gens-là, ces secteurs sociaux, vont trouver en lui le porte-parole idéal auquel ils n'avaient même pas songé. Professeur. Ne cherchez pas à me détourner de mon propos, frère Bartholomé. Je disais que l'histoire des hommes est menée par Dieu, personne n'en doute. Sachons deviner la main invisible quand elle s'exerce. Or, jamais vous n'avez pu expliquer l'absence du Christ sur ces terres. Jamais! Vous avez cherché mille détours. Vous êtes allé jusqu'à mentir, jusqu'à falsifier des vestiges. Certains de vos amis ont fabriqué des fausses croix avec du vieux bois pour faire croire à un passage des apôtres. Mais ici, l'intention de Dieu est claire. Ces créatures, à l'apparence humaine, ne font pas partie de son peuple. La bonne nouvelle n'a pas été dite pour eux. Mais comment osez-vous les exclure de la promesse ? Mais le Christ est venu pour toutes les nations. Il l'a dit lui-même. Vous prétendez reconnaître partout les signes de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne voir que les signes qui nous sont favorables. Évidemment. Mettre Dieu de notre côté. Dire Dieu, c'est mon intérêt. C'est ce qui justifie mes crimes. Vous allez cette fois trop loin. Personne ici ne peut douter du choix de Dieu. Je vous demande catégoriquement de vous taire. Professeur. Assimiler les Espagnols à des démons, mais quelle aberration! Quelle folie! Les indigènes ont reconnu eux-mêmes que les conquérants leur étaient envoyés par quelque force supérieure. Ils en étaient sûrs depuis le début. Et faire des Indiens des innocents, mais comment vous suivre? Eux qui sacrifiaient à leurs idoles des milliers, des dizaines de milliers de victimes. 80 000 pour la seule inauguration du grand temple de Mexico. Le chiffre est loin d'être prouvé. Mais c'est le plus barbare, le plus sanglant des peuples. Sodomites, oui, et cannibales. Vous avez oublié de le rappeler. Ils allaient, a-t-on dit, le ventre gonflé de chair humaine. Ils ont tué des Espagnols et ils les ont mangés. Et certains, pour danser, revêtaient des peaux de chrétiens. Et vous parlez d'un paradis ? Vous dites qu'ils ne savent pas mentir, mais ils vous ont trompé continuellement. Dès qu'un peuple sait parler, il sait mentir. Ces Indiens sont des sauvages féroces. Non seulement il est juste, mais il est nécessaire de soumettre leur corps à l'esclavage et leurs esprits à la vraie religion. Histoire vivante, croire, faire croire, des conquérants, des autochtones, une controverse, relecture des événements. Aujourd'hui, les visions du monde. Que sait-on de l'arbitrage ? C'est-à-dire, ceux qui écoutent les arguments de l'un et de l'autre, et dans quelle mesure, dans cet arbitrage-là, l'arbitre est véritablement objectif ou facilite, pour ce que l'on en sait en tout cas, une approche plutôt qu'une autre. Je crois que ce qu'on peut peut-être dire, parce que c'est très difficile de savoir, c'est que Las Casas avait un peu indisposé les gens parce qu'il était très véhément. Carmen Bernand, historienne, au micro de Jean Leclerc. Et donc, ça devait être un tribun très violent, et que cela explique que on soit arrivé à un point mort dans cette discussion, parce que vous savez très bien que tout dépend du ton, et que Las Casas, il n'est pas allé de main morte. Et même ces écrits, après, ils ont été interdits. Parce qu'ils sont d'une violence rare. Mais il avait raison. S'il n'avait pas été violent, rien n'aurait été fait. Donc, son attitude a été la bonne. Je crois qu'il y a eu de ça dans cette controverse, parce que les échos, disons, parallèles, disent, oui, trop impétueux. Bon, il y a des adjectifs de ce type. On imagine que, bon, il devait signaler les gens, et vous avez fait ça. Et donc, ça n'a pas peut-être été très bon pour lui. Mais ça n'a pas été mal non plus, parce que tout de même, on a pris en compte les lois nouvelles. Éminence, à supposer même l'absurde, à supposer qu'il soit innocent, notre guerre ne serait-elle pas justifiée? Une guerre menée pour protéger des innocents contre des chefs tyranniques qui mettaient à mort leurs hommes pour les dévorer? Je le répète, professeur, nous ne sommes pas ici pour parler de la guerre. Nous pourrions discuter longtemps pour savoir qui sont les chefs tyranniques et qui les innocents. Je l'admets. Innocents qui jamais ne nous appelèrent à leur secours. Mais qui acceptèrent qu'on les libéra. Mais où commence et où s'achève ce droit que nous nous donnons d'intervenir chez l'étranger? Comment distinguer ces sacrifices, par exemple, d'une condamnation à mort? Lorsque des actes à nos yeux criminels se commettent dans d'autres pays, soumis à d'autres lois, adorant d'autres dieux, devons-nous donc toujours intervenir avec nos armes? Parce que nous adorons le vrai Dieu, sommes-nous nécessairement chargés de la police de la terre? Oui, Éminence, je le crois. Carmen Bernand, il y a un certain nombre de questions qui sont évoquées, en tout cas on le voit au travers de la pièce de Jean-Claude Carrière, La controverse de Valladolid, questions autour du rire, questions autour de l'âme, les Indiens ont-ils une âme? Est-ce là une invention moderne de Jean-Claude Carrière ou les questions sont posées véritablement en ces termes et franchissent d'une certaine manière largement la question du respect ou de l'égalité des hommes? Oui, alors là aussi, semble-t-il, moi je n'ai pas eu accès à ces dernières sources, c'est que peut-être le terme de d'âme est pris dans le sens chrétien du terme, et donc ce sont des idolâtres dans ce sens, ce ne sont pas des choses. Je vois plutôt la chose comme ça, parce que l'Église a toujours dit qu'il croyait dans l'immortalité de l'âme depuis le début. Alors ça paraît très bizarre tout d'un coup qu'il n'ait pas d'âme. Mais ils n'ont pas d'âme dans le sens chrétien du terme, je crois. Et ils sont donc des païens avec tout ce que cela implique. Mais ça a été une véritable question. Mais si on prend même les conquistadores, ceux qui décrivent, ils ont des notions de l'immortalité de l'âme, etc. Ça va de soi. Là, il y a un point qui est difficile avec cette controverse. Et quelque chose qu'on a du mal évidemment à se représenter, c'est au-delà du fait qu'il y a rencontre, quand bien même cette rencontre est une rencontre violente, est une rencontre à dessein, notamment destinée à spolier des biens, des richesses, au-delà de ça, il y a de fait la découverte pour les conquérants d'un certain savoir autochtone que l'on trouve bien au-delà du continent. Je crois que les Espagnols ont été impressionnés par les sociétés impériales. Les Aztèques, les Incas, ils disent que c'était des sociétés policées. Ça ne les a pas empêchés de les détruire. Ça, c'est un autre point, parce que ces sociétés reposant sur les sacrifices et sur des choses, c'était pour eux l'abomination. les Indiens qui sont très éloignés dans les forêts, c'est des sauvages. Donc ça, c'est un autre monde. Ils vivent comme des animaux, ils sont là à l'état sauvage. Encore que quand il y a des missionnaires qui s'intéressent, ils décrivent les parures, décrivent la société, il y a des descriptions. Si on les avait considérés comme absolument indignes d'intérêt, on n'aurait pas tous ces documents. Et ça, on les a. Pour eux, les gens qui obéissent à un pouvoir central sont des gens supérieurs dans la hiérarchie politique que des tribus. Et on le retrouve aujourd'hui dans le monde contemporain, au Moyen-Orient. Donc des tribus qui changent, qui se fusionnent, qui se séparent, tout ça c'est... C'est pas lisible. Ce n'est pas lisible, ils sont pas fiables, parce qu'on n'a pas d'interlocuteur, ça peut changer. Et donc il faut voir aussi ça d'un point de vue politique de l'époque. Et donc ça marche très bien parce que les tableaux même montrent la continuité entre par exemple les Aztèques ou les Incas et Charles Quint, Philippe II, etc. C'est une discontinuité, bien entendu. Là, il y a une imposture. Mais dans leur esprit, ils se présentent comme les continuateurs chrétiens des sociétés anciennes, et ils appliquent le tribut parce que les anciens aussi appliquaient le tribut, effectivement, on n'est pas dans des sociétés égalitaires, et donc ils s'inscrivent un tout petit peu dans cette continuité. Et on le voit même, je parlais tout à l'heure de l'identification, toutes ces fêtes religieuses de Corpus Christi ont des défilés d'Incas, des défilés de rois aztèques. Il y en a même qui ont tous les rois du monde. Alors, on a un roi hindou avec un turban, un mort, ou je ne sais pas, un empereur romain. On présente les variétés des rois et des personnages respectables parce qu'ils sont rois. Et quand Pissarro fait exécuter l'Inca Atahualpa, c'est un scandale dans la couronne. C'est là qu'il tombe en disgrâce. Bon, lui, il sera tué avant, parce qu'il n'a pas le droit de toucher un seigneur naturel. Donc, c'est considéré comme un crime de lèse-majesté. Et Charles Quint, il ne veut rien savoir de ça. Puis, il y a une autre exécution sous Philippe II d'un Inca rebelle. Et quand le vice-roi, là, il y a un vice-roi, le vice-roi arrive en Espagne, Philippe II lui dit « Je vous ai envoyé pour administrer et pas pour tuer des rois. » Et donc il tombe en disgrâce et il en meurt de chagrin peut-être, je ne sais pas, très vite. Bernand, historienne, au micro de Jean Leclerc. Si la violence tend à être jugulée par la couronne, il ne s'agit pas non plus de considérer, Marie Bernand, qu'il n'y aura pas eu de violence avec toute cette conquête. Au contraire, on sait qu'il y aura eu bien des violences sur le continent sud-américain à l'occasion de la conquête, mais a-t-on fait depuis un travail de réévaluation et qu'est-ce que l'on pourrait en dire ? C'est très difficile d'avoir des statistiques, par exemple. Cela a été fait par des gens tout à fait sérieux sur le nombre de morts, sur la chute démographique. Ça a été fait au Mexique parce c'était plus facile, il y avait des documents qui pouvaient servir à extrapoler. Mais pour le Pérou, c'est déjà beaucoup plus difficile et beaucoup plus discutable. Il y a eu une chute démographique, c'est incontestable. Mais cette chute démographique a été due en grande partie à tout le problème des épidémies. Ça c'est réel. Parce que là, on a des... On est dans des épidémies, pardonnez-moi de vous interrompre, mais involontaires ou volontaires, dans certains cas. Personne ne savait... la transmission microbienne, c'est de l'époque de Pasteur. Donc, c'était des miasmes, c'est tout. Donc, ça a été totalement involontaire parce que l'intérêt des Espagnols et surtout des colonisateurs était d'avoir les Indiens comme main d'œuvre et les avoir comme tributaires. Ils rapportaient de l'argent pour aller vite. Si on tue tout le monde, ça rapporte rien. C'était impossible. Impossible que la conquête du Pérou, il y avait 170 Espagnols. Comment voulez-vous qu'ils tuent tous les Incas? C'est impossible. Les nombres sont très réduits. Ça, on oublie aussi. On croit que c'est une sorte d'avalanche comme les guerres d'aujourd'hui. Pas du tout. Alors, ce sont des épidémies, je dirais, des pandémies, comme il y a eu la peste noire, qui a laissé le quart de la population européenne éliminer les autres. Et donc, ça a été très fort. Et la récupération a commencé vraiment au XVIIIe siècle. Donc, les gens étaient déjà, ils avaient déjà leur immunité. Et donc, petit à petit, il y a eu quand même un peuplement qui fait que si vous allez en Amérique latine, il y a tout de même plus d'Indiens et de descendants qu'aux États-Unis, qui étaient très peuplés aussi. On oublie. Donc, ça pose un problème qu'on ne peut pas débattre ici. Voulez-vous des preuves de l'infériorité des Indiens ? Ces preuves sont indispensables. D'abord, depuis leur découverte, ils se sont montrés incapables de toute invention. Ils sont uniquement habiles à copier les gestes des Espagnols, leurs supérieurs, ce qui caractérise une âme d'esclave. Mais on nous chante une vieille chanson. César racontait la même chose des Gaulois qui la servissaient. Habile à imiter les techniques romaines. Et tous les envahisseurs ont fait de même. César ne voulait pas voir les coutumes, les croyances et même les outils des Gaulois. Et nous faisons de même. Nous ne voyons que ce qu'ils imitent de nous. Le reste, ça n'existe pas. Bonne raison pour le détruire. Nous sommes habitués, depuis l'enfance, à préférer nos propres usages, qui nous semblent supérieurs aux autres. Sauf quand il s'agit d'esclaves nés, Éminence. Les Indiens ont voulu presque aussitôt acquérir nos armes et nos vêtements, et je pourrais citer tant d'autres signes. Ils ignorent l'usage du métal, des armes à feu, de la roue. Ils portent leur fardeau sur le dos, comme des bêtes, pendant de longs parcours. Leur nourriture est détestable, semblable à celle des animaux. Ils se peignent grossièrement le corps et adorent des idoles affreuses. Je ne reviens pas sur les sacrifices humains. J'ajoute qu'on les décrit stupides, comme nos enfants ou nos idiots. Ils se marient très fréquemment, ils ignorent la nature de l'argent et n'ont aucune idée de la valeur des choses. Ils échangeaient le verre cassé des barils contre de l'or. Eh bien, parce qu'ils n'adorent pas l'or et l'argent au point de leur sacrifier corps et âme, est-ce une raison pour les traiter de bêtes? N'est-ce pas plutôt le contraire? Frère Bartholomé, je vous demande le silence. Notre épisode était aujourd'hui intitulé « Les visions du monde » avec les historiens Carmen Bernand et Bernard Lavallée et avec dans le rôle de Bartolomé de las Casas, Mauro Bellucci, dans celui de Juan Martín de Sepúlveda, Frank Semlet et dans le rôle de l'archevêque, Charles Vogt. Demain, rencontre avec Constance Colonna Cesari, réalisatrice du documentaire « Urbi et Orbi, la diplomatie du Vatican ». Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, avec la collaboration d'Isabelle Barthes, Christian Morero, Corinne Rochat, Daniel Zacker, Valérie Dantan, ainsi que l'unité documentaire TV de la RTS. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.